Chapitre 4. J'ai ouvert la première lettre, celle qui avait trahi le secret. Ce que j'éprouvais, ce que je fis, quel rugissement s'échappa de ma poitrine, quel son jaillit de mes lèvres, je ne le sais pas. Ce fut, en toutes mes fibres, une crispation subite, effroyable, suivie d'une détente, comme une explosion déchirant mes nerfs, tordant mes muscles, trouant mes tempes. Ma femme me trompe. Ma femme a un amant. Instantanément, comme une bête féroce tapie derrière un buisson, la vérité m'a sauté à la gorge, au cerveau, à la conscience, mordant, secouant, brisant mon être. J'étais surpris lâchement, traîtreusement, dans ma confiance, dans ma placidité, dans cette sécurité où je me complaisais. N'ayant jamais insulté cette femme, je ne dirais pas d'un soupçon, mais même d'une jalousie. Et moi, qui tout à l'heure, ému, la regardais et presque l'admirais. Et comme je vais me venger. Je n'ai ni à raisonner ni à hésiter. J'ai là, sous ma main, la preuve absolue, indéniable, d'une abominable trahison. Je ressens au cœur une douleur lancinante qui est une insupportable torture. Et je ne me reconnaîtrai pas le droit de faire justice, moi, le mari, moi, qui ai donné il y a 4 ans mon nom à cette créature infâme, moi qui ai, pour elle, sacrifié ma liberté, mes rêves de jeunesse, mes ardentes ambitions, moi qui, pour lui assurer ce luxe dont elle se grise, me suis voué un travail qui m'irrite et m'exaspère comme une déchéance de mon intelligence et de ma volonté. Je vais la tuer, là, tout à l'heure, en son sommeil, d'un seul coup. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai pris mon revolver. Il est chargé, c'est bien. Oh, je ne tiens pas à ce qu'elle souffre. Je poserai sur sa tempe le canon froid dont elle n'aura même pas le temps de subir la sensation. Et j'appuierai le doigt sur la détente. Un peu de bruit, une convulsion suprême, je serai vengé. C'est qu'en vérité, ceci est horrible. Mais que lui manque-t-il donc à cette femme? Suis-je un mari brutal ou même sévère? Ai-je jamais refusé de satisfaire un seul de ses désirs? Et s'il avait eu quelques caprices, est-ce que je n'y aurais pas souscrit? Il y a en cela une hypocrisie qui me confond, car en vérité, je n'ai jamais rien deviné, rien pressenti. Toujours j'ai trouvé dans ses yeux le même regard indolent, presque indifférent, sur ses lèvres le même sourire, complaisant, inexpressif. Que je sois entré ou sorti, toujours elle m'a présenté son front avec le même calme, tendu la main avec la même cordialité banale. Lui ai-je jamais cherché une sotte querelle? Ne l'ai-je pas laissé libre d'aller, de venir, de courir la ville ou de garder la maison à son gré? Suis-je un de ces tyrans ridicules qui sans cesse épient leurs femmes, les obsèdent de défiance, exigeant que compte leur soit rendu des moindres démarches, intervenant dans leurs amitiés, les contraignant à choisir ou à écarter telle ou telle relation? Rien de tout cela. Je lui ai toujours témoigné cette confiance simple, probe, qui est un hommage à l'honnêteté. Et puis, à quoi bon raisonner? Est-ce que d'aventure je doute de mon droit? Il m'est acquis et rien ne m'en a fait déchoir. La félonie est patente, hideuse. Cette femme, froidement, honteusement, a trahi tous ses devoirs, a déshonoré mon nom et, rejetant toute pudeur, est tombée plus bas que la plus impure des courtisanes. Je vais la tuer. Je n'ai plus de fièvre. Mon cerveau est calme et ma main ne tremblera pas. Allons. J'ai serré sous mes doigts la crosse du revolver et d'un pas ferme, je me suis dirigé vers la chambre. Mais lui, le misérable, il me faut son nom. Je n'ai lu encore, puis-je dire lu, qu'une lettre, la dernière, et je n'ai pas vu de signature, mais l'écriture tout au moins. Car si je ne découvre pas ce nom d'un infâme que je tuerai après elle, il faudra bien qu'avant de mourir, elle me le livre. Ou elle ne me le refusera pas. D'abord, tout adultère est lâche, puisqu'elle a eu la lâcheté du mensonge. Mais je vais d'abord tenter de savoir par moi-même. Je suis revenu vers mon bureau. J'ai posé le revolver là, près de moi, à portée de ma main. Il s'y placera de lui-même tout à l'heure, au moment précis où le justicier devra frapper. Ces lettres. Il faut en véritable un épouvantable courage pour les lire. Je l'aurai. La dernière, c'est celle-ci. Pourquoi ne m'avez-vous pas reçu? J'avais votre promesse pourtant. Ayez pitié de moi. Vous savez bien que je vous aime en devenir fou. Et vous, déjà, ne m'aimiez-vous pas un peu? Car vous me l'avez dit, oui, vous n'avez pas dit que vous ne me haïssiez pas. À demain, n'est-ce pas? À demain. puis une initiale R. C'est singulier, mais il me semble que je ne connais pas cette écriture. Est-elle donc déguisée, contrefaite? Du reste, je n'ai pas la vue très nette en ce moment et les caractères se déforment devant moi. Décidément, il est bien difficile de conserver un calme, même relatif. Je serre les dents à les briser. 4 lettres, oui, pas une de plus. Quelle peut être la première? Elles ne sont pas datées. Mais il est un guide à peu près sûr, c'est le premier mot écrit. C'est bien cela. La première dit « Madame ». La seconde commence ainsi. « Vous souvenez-vous, Gabriel ?» La troisième débute par « Et vous doutez de moi, aimé ?» La gradation est sensible. « Madame, j'ose à peine vous écrire et pourtant il le faut. Je ne puis supporter cette pensée que j'ai pu vous offenser, moi, qui pourvois un respect qui va jusqu'à la vénération. Oui, j'ai été coupable. Oui, j'ai cédé à un entraînement plus fort que ma volonté. Mais vous pleuriez, madame. Et votre douleur silencieuse, vos souffrances si dignement, si courageusement supportées, ces larmes que vous vous efforciez en vain de retenir, tout cela me brisait le cœur. Je ne sais quelles paroles ont jailli de mes lèvres. J'ai été coupable, puisque vous m'avez si cruellement puni en me repoussant, en me défendant de repasser le seuil de votre porte, et cependant, je vous le jure encore une fois, pas une pensée n'existe en moi qui ne soit admiration et respect pour vous. Qu'ai-je dit? Je l'ai oublié. Mais si les mots ont mal traduit ce que je ressentais, je veux du moins que vous me rendiez cette estime qui est toute ma vie. Ce que je voulais vous dire, madame, c'est que vous n'avez pas au monde d'amis, de serviteurs, d'esclaves plus dévoués que moi. Je souffre vos souffrances, je pleure vos larmes, et je donnerai ma vie pour vous voir heureuse. Et qui donc mérite plus et mieux que vous ce bonheur qui vous est si méchamment refusé? N'avez-vous pas tout? La beauté, le charme, l'esprit, la douceur? Ne vous ai-je pas vu 10 fois, 100 fois, subir sans un mouvement de rébellion, sans même un tressaillement, ces brusqueries qui, je le sens, vous causent une réelle douleur, comme un heurt brutal? Tenez, l'autre jour, alors que pour ce repas d'anniversaire, vous aviez gracieusement disposé sur la table les touffes de fleurs que l'on aime, alors que je le savais, je le sentais, vous attendiez. Quoi, grand Dieu, un mot, un sourire, un regard, cette aumône même de gratitude qu'on jette aux plus indifférents? Eh bien, on est rentré affairé, préoccupé. On vous a annoncé qu'on devait se hâter de dîner, qu'on était attendu. Vous avez essayé, par des allusions que moi, je comprenais, de rappeler la date de ce jour, pour lequel vous avez, vous, une sorte de religion. Vous n'avez pas été comprise. Je vous ai vu, un peu pâle, lutter contre le chagrin qui vous serrait le cœur. Ces pauvres fleurs, on les a regardées avec indifférence. Je ne sais même si on n'a pas un peu plaisanté sur cette profusion ornementale. J'aurais pu rester auprès de vous, je ne l'ai pas voulu. Je sentais que je ne serais pas maître de moi. Je suis parti, emportant en mon cœur une blessure qui était la vôtre. Et vous, je le sais, je le devine, vous avez passé cette soirée seul, seul comme toujours, pleurant et rêvant à vos rêves finis. Et vous ne voudriez pas qu'un homme de cœur protestât contre ce martyre? Vous ne voudriez pas qu'on ressentît le désir profond, intime, absorbant, de vous vouer une amitié sincère, dégagée de tout égoïsme? Être votre ami, mais je ne sache pas de titre plus doux, et dont je puisse être plus fier. Voilà ce que je voulais vous dire, madame. Si j'ai dit quelque folie, pardonnez-moi. Ne me condamnez pas sans appel. Car je vous en donne ma parole d'honnête homme, plutôt que de vous offenser, j'aimerais mieux m'exiler à jamais loin de vous. Vous êtes si bonne. Ne serez-vous donc impitoyable que pour moi, qui vous vois placée si haut que j'ose à peine lever les yeux jusqu'à vous? Je demande grâce, grâce pour l'ami, grâce pour l'esclave. Dieu lui-même n'est pas implacable. J'aurai l'audace de me présenter de m'asseoir. Si votre porte me reste fermée, je ne vous accuserai pas, oh non, mais je souffrirai cruellement, en songeant que par ma faute, j'aurai perdu ce qui est le bonheur de toute ma vie, ces adorables causeries qui me rendent meilleur. J'attends mon arrêt. Robert de S. La signature est en toutes lettres. Je sais le nom de ce tartuffe d'amour. C'est mon meilleur ami. Cela devait être. C'est moi qui, il y a un an, à son retour de l'Extrême-Orient, l'y introduit, l'y présentait chez moi. Un enfant, presque un gamin, avec de fausses naïvetés et des enthousiasmes de comédien, le misérable. Et c'est avec ces lettres banales, dont le modèle traîne, dans tous les parfaits secrétaires des amants, que ces fantoches viennent jeter le déshonneur dans une famille, perdant jamais une femme, tuer l'avenir de deux êtres. Et on ne châtierait pas ces bandits sociaux, on ne ferait pas justice de ces mignons de boudoir, de ces Judas déguisés en troubadours. Ah, si fait, je te tuerais, toi aussi, mais face à face, en te crachant ton infamie au visage. Ah oui, je te tuerais.